Tel que je vous l'annonçais donc en introduction de l'émission, je disais qu'on allait revenir sur la situation socio-politique en Tunisie. Il y a un peu plus d'une année donc que la révolte en Tunisie a commencé, une révolte qui a ponctué finalement avec la fuite du président Zine El Abidine Ben Ali en Arabie Saoudite, qui a fui finalement comme un voleur son pays. Depuis, alors, les événements politiques ont basculé, nous avons eu des élections, deux gouvernements de transition, ensuite des élections qui ont abouti à l'élection d'une assemblée constituante. Donc aujourd'hui au pouvoir, nous avons la scène politique est dominée surtout par le parti islamiste Ennahda, donc qui a remporté ces élections. On est souvent revenu sur la situation sociopolitique en Tunisie avec nos amis donc du collectif des Tunisiens pour les luttes sociales ici. On a très peu souvent eu la chance de discuter avec des gens qui ont vécu ces événements sur place. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Donc pour ce faire, donc j'ai l'honneur de recevoir Farah El Kefi. Farah, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes diplômé, vous êtes chercheur en philosophie politique de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université de la faculté Naf Avril de l'université de Tunis. Donc en plus de votre formation académique, vous avez beaucoup milité, vous avez milité notamment au sein de l'Union Générale des étudiants de Tunisie. L'UGET, c'est ça. Et vous avez également, pendant tous ces événements et pendant finalement une longue période, milité également au sein d'un mouvement politique qui s'appelle le Mouvement des Patriotes Démocrates, le MPD, qui est un mouvement d'inspiration marxiste-léniniste en Tunisie. Voilà. Alors, peut-être pour nous aider à mieux comprendre finalement la situation, surtout des premiers jours qui ont ponctué finalement le soulèvement tunisien des 13, des 14 et 15 mars. Janvier 2011, voilà. Donc, puisque nous sommes en 2012, ça fait déjà 14 mois de ça à peu près. Donc, pouvez-vous nous rappeler un peu le contexte de ces soulèvements? Vous avez vécu ça de l'intérieur. Aidez un peu le public québécois qui n'a vécu ça que finalement à travers la scène médiatique d'ici. Donnez-nous quelques éléments pour comprendre un peu ces événements de l'intérieur. Il faut commencer par comprendre déjà les trois jours, le 13, le 14 et le 15 janvier. Chaque jour, il présentait sa propre version des fêtes. Le 13, c'était un jour, disons, très plein d'événements, parce que de toute façon, c'était le dernier discours de l'ancien président, de l'ex-président Ben Ali, qui a essayé de toute façon de sauver sa figure en essayant de toute façon de présenter, de négocier exactement avec le peuple tunisien, de donner des, disons, une grande marge de liberté par rapport à toute sa période de gouvernance, disons, par rapport aux 23 ans où il était le chef de gouvernement, aussi le chef de tous les pouvoirs du pays. Le 14, c'était le jour décisif, de toute façon. Dans quel sens ? Dans le sens que déjà dès l'après-midi, vers 14h, on a commencé qu'il y aura un événement très important, parce que de toute façon, même le comportement de la police dans les rues, il était différent. Ils laissaient les manifestants passer, ils ont permis d'ouvrir toutes les rues pour s'exprimer, pour exprimer de toute façon la révolte, pour exprimer la colère de la population de toute façon. Ça a été perçu par la population, le fait que la police n'intervenait pas le 14? Sous l'impression de la même journée, personne n'a senti au coup la différence de comportement de la police, parce que je soutiens à signaler qu'il y a eu un comportement très bizarre par rapport à la journée précédente, au 13 de janvier. Le 14, la police s'est comportée de manière assez passive. Donc, l'agression, elle était quand même présente, mais par rapport au 13 et toutes les journées du 17 décembre jusqu'à 13 janvier, la police, elle était très agressive. Le 14, disons, de 14h jusqu'à 17h, qu'on a commencé à sentir que le président n'est plus là, la police, elle a commencé à négocier avec les gens. Mais qu'est-ce qui explique justement ce changement de cap? Ils ont eu l'ordre de changer leur comportement, parce que même à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, même les hauts fonctionnaires, ils ont communiqué l'information qu'il y aura un changement pendant la même journée de 14 janvier. Et la couverture médiatique à ce moment-là, elle a changé de quelle façon? Elle a commencé à annoncer qu'il y aura un grand événement à communiquer au peuple. C'était vers 17h. Et vers 17h45, on a eu la confirmation que le président n'est plus au pays, qu'il a quitté. Il a donc quitté vers l'Arabie Saoudite? Non, au début c'était la France. D'accord. Et puis c'était l'Italie. Personne n'avait donc la confirmation. Est-ce que c'était une fuite? Est-ce qu'il a décidé de quitter? Est-ce qu'il était forcé à quitter le pays? Jusqu'à maintenant, les versions sont multiples. Alors justement, vous, au sein de votre formation, quelle lecture faites-vous de ces événements et surtout du rôle de l'armée? C'est un mot d'ordre. C'est un mot d'ordre qui peut venir d'où, par exemple? De l'armée, de la France aussi, qui ne pouvait plus garantir la sécurité, l'alliance avec le pouvoir de Ben Ali. Selon certaines sources d'information, on avait appris notamment que le chef d'état-major de l'armée tunisienne à l'époque, le Rachid général Ammar, c'est il recevait notamment énormément de pression de la part de l'ambassadeur des États-Unis à Tunis. Et on a eu même la confirmation qu'il a eu des coups de téléphone, des communications directes. Voilà. Donc depuis, après le départ de Ben Ali, la suite finalement des événements politiques, les Tunisiens ont connu deux gouvernements de transition, avant de parler intérimaires peut-être ? Non, avant de parler des gouvernements, l'image elle était assez floue. D'accord. Les islamistes, ou disons le parti Nahda, n'étaient pas encore présents là. Au sein du mouvement de masse ? Non, laisse tomber, parce que pendant tous les jours de révolution, on n'a même pas vu une position déclarée et affichée de la part des islamistes. De tous les mouvements islamistes en Tunisie. C'était surtout le GTT, c'était le mouvement. Les mouvements. Juste pour les auditeurs et les auditrices, le GTT qui est le syndicat. L'Union Générale des Travailleurs en Tunisie. Voilà. Et aussi, c'était les partis politiques qui se manifestaient déjà depuis longtemps. Juste après le grand jour de Bouazizi, tous les mouvements ont commencé à se manifester de différentes façons. Mais on n'a jamais eu une manifestation quelconque des partis islamistes. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais sincèrement, les faits sont têtus. On ne peut pas négliger ça. Donc vous militiez à l'époque au sein d'un mouvement qui est le MDP. Le mouvement patriote démocrate, c'est non seulement le mouvement patriote démocrate. À ce moment, il n'y avait pas de couleur, sincèrement. Mmh. On était pour la Tunisie et pour la cause tunisienne, parce qu'à ce moment-là, tout le monde a perdu la marge de négocier avec le pouvoir politique, qui a commencé de toute façon à faire des échanges, à communiquer des messages différents. Est-ce qu'il il pourra à ce moment reculer de tout le type de son pouvoir, de la nature de l'oppression qu'il a exigé pendant des années ou non? Mais à ce moment-là, pas seulement le mouvement patriote démocrate, mais tous les mouvements politiques ont essayé d'avoir le même mot d'ordre. C'est se manifester pour la cause tunisienne. Ça veut dire quoi exactement la cause tunisienne à l'époque ? C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans un impasse. Mm-hmm. On ne peut plus accepter la situation. La situation économique et sociale était vraiment, je m'excuse pour le terme, mais c'était vraiment merdique. D'accord. Et donc des revendications pour l'ouverture du champ politique, c'est ce qui fédérait l'ensemble de l'opposition ? C'était quoi les revendications initiales qui La liberté de l'expression. Mm-hmm. La grande demande, c'était disons la cause des chômeurs là. C'est le nombre des chômeurs maintenant. On a pu atteindre, grâce à l'actuel gouvernement, 860 000 de chômeurs avec des diplômes supérieurs, mais à l'époque c'était donc le chômage qui affectait même la catégorie des universitaires. C'était le chômage, c'était la première motivation, mais pas seulement ça. Et ensuite, donc les gouvernements qui ont suivi, quelle lecture faites-vous finalement des différents... Ils n'ont pas pris trop de temps pour concrétiser qu'ils sont la suite du pouvoir Ben Ali. Mmh. Le premier ministre qui a pris les deux gouvernements, c'était Mohamed Ghannouchi, qui était le premier ministre de Ben Ali pour 11 ans. Donc c'est quand même des gens de l'ancien régime qui ont assuré la période. Et qui continuent à exister maintenant. Voilà. Qui continuent maintenant à avoir des missions assez diverses, mais ils évitent maintenant à être trop affichés, mais ils continuent à faire leur mission quand même. Ok, mais est-ce que depuis le parti le RCD, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique de Ben Ali, il a été dissous, mais est-ce que... Ils ont fondé de nouveaux partis politiques. Aidez-nous à comprendre un peu plus la dynamique. Par exemple, vu que la justice tunisienne n'était pas aussi radicale pour juger ces personnes, parce qu'il y a des personnes quand même qui ont commis des crimes, jugés comme des crimes, et avec des preuves, mais quand même la justice n'a pas encore posé ses preuves pour pouvoir condamner ces personnes. Donc il y a pas mal de gens qui ont pris d'autres chemins et qui ont fondé de nouveaux partis politiques. Donc des caciques de l'ancien régime sont toujours influents dans des structures importantes du pouvoir politique, à ce jour encore en Tunisie. Encore. On peut même nommer des noms là. Non, c'est pas nécessaire peut-être de nommer de noms, mais depuis il y a eu des élections. Donc il y a eu les élections du 23 octobre dernier qui ont été remportées donc par les islamistes. Voilà. Donc aidez-nous un peu à comprendre comment les islamistes sont revenus sur la scène politique alors que leur chef était exilé, par qui ils ont été cautionnés, le rôle des grandes puissances, surtout dans la caution à l'égard du régime de Nahda. Avant de parler du retour des grands chefs de parti Nahda, il faut juger un tel discours qui était encore présent. Parce que de toute façon, les Tunisiens ont senti pendant, que ce soit le régime de Ben Ali ou le régime de Bourguiba, une absence d'un discours soi-disant religieux, un discours qui est jugé un petit peu authentique à la société tunisienne, jusqu'à 1956. Là qu'a commencé le projet moderne civil de la Tunisie, qui a changé la vocation de l'État tunisien. Après, de toute façon, pour résumer, il faut dire que les islamistes ont commencé d'instaurer de manière très organisée, très structurée, leur retour à la scène politique. À partir de quand ? À partir du mois de février-mars 2011. Okay. Le retour de Rachel Ghannouchi, la manifestation des chefs comme Mohamed Ijbeli, comme d'autres personnes qui étaient toujours là et qui ont bien déterminé leur présence avant, non pas comme islamistes, mais comme militants contre le gouvernement Ben Ali, mais qui se sont prononcés de nouveau avec le Narda, surtout le cas mystère de Cheikh Moro, qui est une personne de formation de Narda, mais il continue à se prononcer comme indépendant de Narda jusqu'à maintenant. Voilà, c'est-à-dire que pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y a ce mouvement dont la plupart des militants et des hauts cadres étaient exilés, donc il y a eu des négociations sans doute qui ont été entamées avec les cadres du gouvernement de transition qui ont permis de les réintroduire, de les faire rentrer en Tunisie. De toute façon, le dernier Premier ministre, le dernier gouvernement provisoire, Béji Qaïd Sepsi, a tellement traité et discuté avec Narda d'une manière implicite ou explicite. C'était de toute façon concrétisé par rapport à des rencontres bien médiatisées. Mais on sentait de toute façon qu'il y a une divergence entre les deux conceptions de d'autorité politique. Parce que certains avaient ses propres moyens, ses propres alliances, disons. Narda qui se prononçait avec des nouvelles alliances politiques, à travers les pays de Golfe surtout, un allié un petit peu isolé et un petit peu marginal pendant le gouvernement, que ce soit le régime de Bourguiba ou de Ben Ali, assez présent avec Narda, et Béji Qaïd Sepsi qui voulait garder les intérêts des forces internationales, les États-Unis et la France surtout. Donc, ce que vous introduisez là comme élément de discussion, c'est que le retour des islamistes sur la scène politique a eu la caution des monarchies du Golfe et une caution également qui a été apportée à partir de l'extérieur. On va prendre une petite pause musicale et on va tout de suite arriver avec les élections d'octobre dernier qui ont été remportées par les islamistes et qui font en sorte que ce parti est majoritaire au sein de la Constituante. Vous êtes toujours à l'antenne de l'émission Amandla sur CKUT 86.3 FM. On discute de la situation sociopolitique en Tunisie avec Farah El-Kefi, qui est philosophe de formation, militante dans l'opposition tunisienne au sein d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des patriotes démocrates. Juste avant de prendre la pause musicale, on disait qu'on allait essayer de comprendre un peu le contexte qui a jalonné finalement toute la période qui devait aboutir aux élections pour une assemblée constituante. Pourquoi d'abord les Tunisiens ont choisi la voie d'une assemblée constituante comme mode justement de sortie de crise par rapport aux contestations? Disons qu'on peut dire que c'était une formule entre parenthèses garantie. On essayait une telle formule en 1950, disons après, soi-disant, ce qu'on appelait l'indépendance. 56. C'est 1956, pour la création, entre guillemets, de la Constitution 1959. Mmh. Donc, c'était une formule qu'on a essayé déjà, une structure qu'on connaît plus ou moins. Et c'était, disons, c'était un consensus entre le peuple tunisien pour reprendre la même formule. Donc c'était un choix, disons, plus ou moins consenti par tout le monde. Alors justement, pendant la campagne électorale en vue de ces élections, mm-hmm. différentes forces politiques se sont affrontées. Quelles ont été les propositions, vous, de votre mouvement sur le plan social, par exemple, par rapport aux revendications de la jeunesse en termes de chômage, en termes de projets de société? En parlant au nom du mouvement patriote démocrate, le programme, il était un programme économique, social et politique. D'accord. En lisant le programme de mouvement patriote démocrate, il y avait un plan pour toute région en Tunisie, l'implication surtout de l'intérieur du pays, et aussi de traiter les vrais problèmes, les problématiques de la société de manière radicale, pas des simples réformes ou des simples ajustements de la situation pour qu'elle paraît comme si neutre, mais traiter les problèmes de manière radicale. Parce que sur le plan économique, la Tunisie par exemple est un des pays du Maghreb qui a choisi un modèle libéral. Dès les années 90, la Tunisie a contracté des accords d'association avec l'Union européenne, un modèle fondé sur la rente touristique. Donc, c'est ça le problème. Ouais. Parce que c'était la concentration de l'économie sur un seul secteur. Uh-huh. La Tunisie, elle a eu l'importance du tourisme, ça personne ne peut le négliger, mais on a eu d'autres secteurs qui pouvaient être beaucoup plus développés par rapport au tourisme. Parce que maintenant, par exemple, quand vous voyez l'actuelle situation économique, c'est catastrophique parce que le grand secteur, le tourisme, a eu des annulations de 80% des réservations pour la saison 2010-2011. Donc c'est une catastrophe au niveau national. C'est pour ça que le problème de l'économie tunisienne a commencé dès les années 60 quand ils ont développé le concept de tourisme. Mmh. C'était un concept très, très prometteur, mais c'était le seul secteur qui garantissait à un certain moment une stabilité. Mmh. Une fois le secteur est touché, par n'importe quel événement. Mais quelles sont les catégories sociales à l'intérieur de l'appareil d'État tunisien qui profitaient de ce secteur? Est-ce que ça a créé de la main-d'œuvre? Est-ce que ça a occupé une bonne partie? Ça a créé la main-d'œuvre, mais c'était par rapport aux saisons. Mm-hmm. Si, par exemple, on sait que la saison en Tunisie commence très vite, elle commence vers mars, avril et finit jusqu'à octobre, novembre, jusqu'à que on a de beau temps, on a une bonne température, mais à certains moments, quand il fait froid, quand il y a n'importe quel écho, c'est touché, c'est la catastrophe. Mmh. On a eu, une année critique, c'était en 2002-2003, et puis c'était la Suisse dans septembre, c'est normal, c'était dans plusieurs pays arabes. Mais surtout l'année 2010-2011, elle était trop difficile parce que le grand secteur, elle était vraiment touchée. Alors justement, pour le milieu rural en Tunisie, les régions délaissées, parce que bon, le secteur touristique, c'est un secteur qui est surtout concentré sur les régions côtières, mais qu'en est-il des propositions pour les gens de l'intérieur du pays, les régions sahéliennes? Parce que c'est justement de ces régions-là que sont parties les contestations. C'est ça, parce que de l'intérieur de la Tunisie, là où il n'y a pas vraiment d'activité à faire. Là, il n'y a pas de possibilité de travailler. Même les études sont concentrées dans les grandes facultés, les grandes institutions sont concentrées dans les grandes villes, Tunis, Sousse, etc. Donc l'intérieur de la Tunisie, il était vraiment absent, même des gros projets de développement des gouvernements. Donc de toute façon, le problème central, c'était la concentration de l'économie sur un seul secteur. C'était vraiment, les autres secteurs, c'était vraiment des marginaux. On ne parle plus d'industrie, on ne parle plus d'agriculture. C'était vraiment lié au marché européen pour des saisons d'échange, d'exportation, pas plus que ça. D'accord. Alors justement, plusieurs tendances politiques se sont affrontées pendant cette campagne électorale. Comment expliquez-vous que ce soit le discours islamiste d'Ennahda qui soit arrivé majoritaire au sein de la société tunisienne, un pays qu'on a présenté comme sécularisé? Si, c'était un discours élitiste un petit peu au début, mais Ennahda a pu gagner pour deux, disons, personnellement je juge pour deux raisons. Le premier, parce qu'elles n'ont pas eu besoin de travailler dur au niveau de développer leur discours, qui était assez simple, un discours d'impression, la garantie de Dieu, la garantie divine qui va nous garantir le paradis en Tunisie. C'est avec la main d'Allah qu'on va sauver, et si on fait des erreurs, c'est pas grave, c'est Dieu qui nous aide toujours à trouver le chemin. Discours populiste donc. Populiste, mais surtout, ils ont trop joué sur les sentiments, sur l'impression des fidèles de l'islam. Mais alors, comment expliquer la difficulté de la gauche tunisienne à émerger? Alors, la gauche... La gauche, d'abord, est caractérisée par quoi en Tunisie? Disons, le grand cliché, c'était un discours assez élitiste. Parce que, de toute façon, même quand on essaie d'expliquer, on a un certain vocabulaire, un certain discours limité par des concepts scientifiques. Ça, on ne peut pas le nier. Notre devoir, c'était d'essayer de simplifier un petit peu notre discours, de s'approcher au peuple. Mais concrètement, on l'avoue, je l'avoue personnellement, c'est qu'on avait la difficulté de pouvoir vulgariser le programme politique. Oui. Parce que l'ANAV a pu vulgariser ce programme en disant qu'à travers l'islam, ils vont aider les pauvres. Parce qu'à travers le texte religieux, on les a trouvé un support déjà pris, déjà assimilé. Ce que vous nous dites finalement, c'est que le discours de la gauche tunisienne ne trouve pas ancrage au sein de la société tunisienne finalement. Mais, on ne peut pas être si radical à ce niveau-là. D'accord. Mais il faut nuancer. Parce que de toute façon, le discours de la gauche était présent. Était présent pendant les manifestants, était présent dans tous les slogans qui étaient criés par tout le monde, même les islamistes même qui ont parlé de travail, liberté et dignité nationale pour tout le monde. C'était des slogans de la gauche, c'est pas des islamistes. Mais alors, vous avez toutes sortes de tendances politiques qui se réclament de gauche en Tunisie, à la fois à l'intérieur des centrales syndicales, à l'intérieur du mouvement des droits de l'homme. Vous avez un mouvement comme le vôtre, le mouvement du Parti communiste des ouvriers de Tunisie, des tendances plus social-démocrates incarnées aujourd'hui par le mouvement Itaqatoul. Comment se fait-il que ce mouvement-là n'arrive pas à se coaliser, à constituer une alliance véritable ? Il y a maintenant pas mal de projets qui essaient de créer une alliance pour les prochains événements, les prochaines élections, les prochains événements qui seront dans les prochains mois. De toute façon, la gauche, elle a déjà très bien pris la leçon des dernières élections. On avait, disons, nos illusions, nous aussi, on a fait des erreurs, on apprend, nous sommes confiants que le peuple a commencé à voir avec un œil très clair que la situation et les promesses de l'actuel gouvernement n'ont pas d'enjeu et n'ont pas de concret pour le pays, parce que de toute façon, ils ont commencé à travailler, ils ont demandé de leur laisser la possibilité et l'espace de travailler, ils ont commencé à travailler. On a vu, après, disons, deux, trois mois de gouvernance de l'actuel gouvernement, que de toute façon, leur structure, même en jugeant ça au niveau scientifique, leur structure ne peut pas promettre quelque chose de radical pour le pays. Alors justement, quel est le programme sur le plan économique qui est proposé aux Tunisiens par le mouvement islamiste ? C'est somme toute un programme assez libéral, somme toute. Ils ont gardé, disons, les mêmes objectifs des anciens régimes qu'on a eus. Hein. Ils ont toujours parté de marché libre, de libre-échange, de la conception libérale de l'économie. Ils n'ont pas parlé de changer ce qui est structural de l'économie actuelle. Ils ont parlé d'essayer de développer d'autres secteurs, mais ils insistent toujours sur l'importance du tourisme. Mais ils ne proposent pas d'autres alternatives. Alors justement, une des revendications qui est émanée d'une certaine catégorie de la gauche tunisienne, c'est par exemple une remise en cause, c'était de demander l'annulation de la dette contractée par le régime de Ben Ali. Est-ce que le mouvement Ennahda porte cette revendication-là, qui est tout au moins la part odieuse de la dette contractée par l'ancien régime? Est-ce qu'il y a des revendications pour son annulation, par exemple? Moi, je me permets de reformuler ta question pour parler d'un détail très important, parce que concernant la demande d'avoir la personne de Ben Ali en Tunisie, c'est que NAV a dit on laisse tomber cette demande pour ne pas créer de problèmes avec nos amis en Arabie Saoudite. Qu'il essaie d'éviter d'être radical à ce niveau-là. On ne comprend pas le pourquoi, parce que de toute façon, il évite de parler ça. Il n'essaie que de négliger, de refuser, d'annuler toute lecture et toute interprétation possible de leur comportement à ce niveau des sujets de ce type-là. Mais de toute façon, à propos de la fuite de Ben Ali, il ne se prononce même pas. Et ne se prononce même pas pour demander d'avoir le Ben Ali en place. Pour bien te comprendre, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le gouvernement islamiste actuel le demande. C'est pas un gouvernement islamiste de toute façon. Le gouvernement d'Ennahda. Donc le gouvernement. Il se prononce comme un parti moderne et un parti qui n'est pas islamiste, qui n'est pas religieux. Je vais revenir sur le dernier point. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que non seulement il n'y a pas de demande d'annulation de la dette, mais même dans le discours du gouvernement d'Ennahda, on fait tout pour ménager finalement les monarchies du Golfe qui l'ont reçu. dessus. Et c'est ça. Voilà. Alors, justement, pour faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas vraiment la dynamique tunisienne, notamment depuis l'intervention de l'OTAN en Libye, c'est que des acteurs importants comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, par exemple, qui ont cautionné l'intervention de l'OTAN, qui ont servi un peu d'alibi pour cette intervention, de plus en plus, le discours qui est présenté en Tunisien, c'est que dans l'effort de reconstruction de la Libye, à travers des investissements qataris et saoudiens, cette reconstruction pourra bénéficier au prolétariat tunisien qui sera intégré en termes de main-d'œuvre de travail dans la reconstruction de la Libye. Est-ce que la gauche tunisienne mord à ce discours impérialiste? Quelle est votre critique de cet événement, de ça? Comment les Tunisiens qui sont pris avec le problème du chômage vont recevoir une telle offre? Ok, je vais répondre avec une information. C'est un gros titre mentionné par le premier journal en Arabie Saoudite qui s'appelle Riyadh. Sur cette question-là directement? Plus ou moins, oui. Un détail très important par l'Arabie Saoudite, qui a promis assez d'aide pour le gouvernement tunisien. Aide financière et aide même logistique et au niveau aussi d'infrastructures. Un des premiers journaux qui s'appelle Riyad a bien mentionné que le gouvernement saoudien ne veut plus entendre une demande d'aide de la part du gouvernement tunisien. Pour quelle raison? Ils sont étouffés. Dans quel sens? Dans le sens qu'ils ne veulent plus écouter une demande d'aide de la part de la Tunisie. Ils ont déjà présenté ce qu'ils peuvent donner et n'ont plus la marge pour donner d'autres. Alors justement, mais là je reviens avec la question qui est celle de savoir quelle est la position de la gauche tunisienne par rapport aux événements en Tunisie. Parce que les différents communiqués auxquels j'ai eu assez, très peu de partis politiques en Tunisie, au sein de l'opposition, ont dénoncé l'agression de l'OTAN à Libye. Et non, l'agression, elle était bien, refusée. Pas mal de formes de manifestations qu'on a essayé de concrétiser. Il y a eu des manifestations en Tunisie pour dénoncer l'agression de l'OTAN. Oui, mais pour dénoncer l'agression de la Libye, pour dénoncer la demande de l'agression même, entre guillemets, la nouvelle agression de la Syrie aussi. Même l'actuel gouvernement a soutenu le grand congrès des amis de la Syrie. C'était plus ou moins aussi revendiqué par l'opposition. Alors je comprends. Mais alors justement, mais comment un peuple tunisien qui a lutté contre la dictature de Ben Ali... Personne n'était d'accord pour l'intervention militaire en Libye. Tout en étant très critique du régime de Kadhafi qui était une dictature par elle. C'est ça, parce mais que... Mais ça, par exemple, ici, nous n'avons pas écho de ces manifestations-là. Parce que je dois le dire sincèrement que la média en Tunisie, elle est déjà monopolisée par l'actuel gouvernement. Mmh. Il faut le savoir. Maintenant, en Tunisie, on a des prisons, des prisonniers, des journalistes qui ont été arrêtés pour l'affichage d'une photo ou l'écriture d'un article de journal parce que plus ou moins, ils touchent un petit peu le gouvernement et ses choix stratégiques, disons. Mmh. Donc, la liberté de presse... Elle est très touchée, elle est en situation de danger, vraiment. Mmh. Comme la situation de l'éducation en Tunisie, hein, je mentionne très bien ça aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire la continue agression des professeurs et aussi une menace implicite de changement des programmes d'éducation. On est pour des changements, bien sûr, mais la nouvelle conception des changements, elle fait aussi peur parce qu'elle essaie de toucher tout ce qui est moderne dans nos programmes. On sent qu'il y a prochainement des nouveautés qui suivent la conception de l'actuel pouvoir politique en Tunisie. Quelles sont, par exemple, les orientations en termes de redéfinition des programmes universitaires Des programmes par rapport à l'actuelle situation. Mais l'arabisation, ce n'est pas le problème, parce que de toute façon, on étudie jusqu'à au moins les premiers 9 ans de notre éducation, c'est la majorité des matières sont en arabe. Mais là, il touche le contenu. Mmh. Il parle de la langue, mais il touche le contenu des programmes. Et on avait surtout l'avantage par rapport à d'autres pays arabes qu'en Tunisie, on a une bonne éducation parce que nous sommes ouverts sur plusieurs civilisations. Là, on se sent menacé dans une réduction de formation. Parce que vous, par exemple, qui avez étudié en philosophie, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une discipline en Tunisie qui n'avait pas été encore cédée aux islamistes en termes de... Si, on peut dire ça, parce que la seule menace concrète qu'on a eue, c'était pendant les dernières années, de toute façon, du régime Bourguiba, qui a senti que des sciences humaines et surtout de la philosophie, ils sortaient l'élite et les progressistes de l'université, les étudiants politisés plus ou moins. Et là, il a donné un mot d'ordre pour que les islamistes s'inscrivent dans les des spécialités de sciences humaines, histoire, philosophie, etc. Et il y a eu une confrontation entre les étudiants à cette époque-là. Donc c'était là, les années 80, 70-80. On ne pourra pas aller beaucoup plus loin, mais ce que vous nous dites finalement, c'est qu'il y a une concession de tout un pan des disciplines universitaires que exactement. Les islamistes essayent d'investir pour étouffer toute voie critique potentielle. Et ils essayent maintenant de faire concentrer la conscience du peuple dans des pseudo-problèmes qui n'ont rien à voir avec les priorités de la société tunisienne en général. Alors Farah, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. On n'a même pas arrivé finalement à ce gouvernement, à cette troïka qui gouverne aujourd'hui parce que... Troïka, c'est une blague parce que parler de troïka, c'est-à-dire parler d'une alliance entre trois partis, c'est alors, pas vrai, c'est seulement la NAVA qui est en train de gouverner là. Alors, quand je parle de troïka, peut-être qu'il faut expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que depuis les élections de la Constitution tunisienne, il y a eu une alliance entre trois partis. Nahda, qui était le président est issu d'un parti politique qui est le Congrès pour la République, le président Mounsef Marzouki, le président de l'Assemblée constituante Gouani, moi nous le connaissons, Mustapha Ben Jaafar, qui est issu de l'ancien FDTL, parti d'opposition laïque, social-démocrate. Moderne aussi. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle en Tunisie la Troïka. Ouais. Mais est-ce que finalement, le président de la République, du Congrès pour la République, est le président de l'Assemblée constituante qui est issu d'un autre parti qui n'est pas islamiste, est-ce qu'ils ont une réelle marge de manœuvre par rapport à Nahda ou bien c'est une troïka de façade? Sincèrement, par rapport à ce qu'ils peuvent faire selon les textes fondateurs, disons, de leur pouvoir provisoire, disons, ils n'ont pas une grande marge pour exercer leur pouvoir très limité. Je peux dire que la Troïka, c'est un slogan médiatique, mais concrètement, c'est seulement... On ne parle plus de gouvernement en Tunisie, on parle de Nahda qui gouverne. Mmh. Comment expliquez-vous, par exemple, ce sera ma dernière question, que Nahda, ce soit par exemple opposé à l'introduction de la charia au sein de la Constitution tunisienne? Je peux expliquer par rapport à deux éléments. La première, que Nahda, elle se déclare toujours comme un parti moderne et pas un parti islamiste. Et pour ça, je dis dès le début, ce ne sont pas les islamistes qui gouvernent en Tunisie. C'est un mouvement moderne qui s'appelle Nahda. Okay. Si on traduit le Nahda en arabe, c'est-à-dire c'est la reconnaissance. La renaissance. Il essaie de faire renaître une nouvelle conception moderne, pas laïque, mais moderne, inspirée de toutes les idées modernes de la politique. Et il adapte même le modèle démocratique. C'est pour ça qu'il accepte le concept des élections refusées par les salafistes par principe. Mmh. Donc, ce modèle de démocratie qui est adapté par Nahda, et Nahda refuse la charia parce que, de toute façon, elle se présente comme parti moderne. Et elle essaie de garder ses intérêts par ses alliances au niveau international qui veulent garder en Tunisie... Parce que c'est un parti qui est quand même coopté par les grandes puissances. Donc exactement, l'Union européenne, les États-Unis, surtout, je parle toujours des États-Unis et la France, qui veulent toujours avoir une figure, n'importe laquelle, on s'en fout du nom, mais ils doivent manifester leurs intérêts en Tunisie. Alors justement, comment est Nahda, qui veut justement se départir d'une image islamiste, va composer avec l'émergence de d'autres courants fondamentalistes en Tunisie qui sont notamment incarnés par les salafistes? Il les laisse assez le terrain pour se manifester. Vous savez, quand je laisse quelqu'un de très extrémiste se manifester, moi je me présente comme la personne moderne. J'essaie de tolérer un petit peu, de faire donc la gestion du jeu. Donc un jeu politique de la part de Nahda. Exactement. Je fais, disons, je fais laisser les salafistes à se manifester. Moi je fais le rôle d'arbitre, un arbitre très tolérant avec les salafistes par rapport aux autres. Voilà. Alors Farah El Kefi, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin sur cette question. Il y a tellement d'enjeux économiques qu'on n'a pas couvert. Donc, on pourra certainement y revenir dans des émissions ultérieures. Alors, voilà. Donc, on va conclure là-dessus. Je vous rappelle que je me suis entretenu avec Farah El Kefi, philosophe et qui a milité notamment au sein du mouvement des Patriotes Démocrates, un mouvement donc d'inspiration marxiste et léniniste en Tunisie. Vous venez d'arriver au Canada. Vous êtes ici depuis une semaine. Donc, il y a énormément de mouvements constitués au sein de la diaspora tunisienne. Nous vous invitons à les intégrer. Et sans doute qu'on aura la chance. Merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, une petite pause musicale et on revient tout de suite après.